Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai 2018, eh oui. C'est la fête du travail, mais d'où vient-elle, dites-moi, cette fête? L'origine du 1er mai, c'est aux États-Unis qu'il faut aller la chercher, même si là-bas, la grande journée ouvrière reste le premier lundi de septembre. Le 1er mai 1886, à Chicago, éclate une grève en faveur de la journée de 8 heures qui donne naissance le surlendemain à une manifestation qui a été très durement réprimée par la police. Les anarchistes, on est en pleine période anarchiste, hein, les anarchistes vont faire de cette répression un véritable emblème. Or, en France, en 1889, la deuxième internationale socialiste est réunie pour célébrer le centenaire de la Révolution, 1889. Et on décide d'organiser une grande manifestation. Pourquoi le 1er mai ? Eh bien, par référence à ces événements de Chicago. Mais je croyais que l'on devait la fête du travail au régime de Vichy. Oui, alors c'est tout, en effet, tout le paradoxe de cette affaire. L'origine de la fête du 1er mai se trouve bien dans un mouvement anarchiste. Hein. Le terme de fête du travail a même été inventé par Jules Guesde. Mais vous avez raison, Raphaël, le caractère officiel en France de cette fête, c'est au gouvernement de Vichy qu'on le doit. C'est la loi Belin qui a fait officiellement du 1er mai un jour chômé et payé. À Vichy, on l'avait rebaptisé « Fête du travail et de la concorde nationale ». Or, on a repris l'idée à la Libération. Disons qu'en 1947, sur proposition du socialiste Daniel Mayer, le 1er mai est réinstitué jour chômé et payé dans toutes les entreprises, publiques comme privées, ce qui n'en fait pas pour autant une fête nationale, notez-le bien. Quant aux grands défilés syndicaux, il faudrait pas mal de temps pour raconter toute leur histoire. Il y a eu l'interdiction de défiler liée aux guerres d'Indochine d'Algérie. Il va falloir attendre le 1er mai 68 pour que la CGT organise une grande manifestation dans les rues de Paris. Et depuis, vous savez que cette mobilisation a connu quelques hauts et pas mal de bas. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission consacrée au Front Populaire. Ça reste dans la thématique.